Des mecs, ils font toujours le même truc. Vas-y, viens, viens, lance une grosse jam. Yeah.

Thank you. Thank you. I'm